Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Dans la chronique, je vous présente un animal plutôt répandu qui vit tout près de nous et dont on ne connaît pourtant presque rien, la genette. Dans l'interview, j'ai la chance de recevoir Marie Trébert, vulgarisatrice scientifique et vidéaste, créatrice de la chaîne YouTube La Boîte à Curiosités. Sa mission, nous faire aimer les bizarreries de la nature les plus étranges. Bonjour Marie et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Dans l'ombre de nos sous-bois, lové dans le creux des souches, vit un mystérieux petit animal dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Et pourtant, si vous vivez au sud de la Loire, elle se déplace silencieusement tout près de vous. Le corps fuselé, affublé d'une queue qui double sa longueur, son pelage beige est orné de taches noires qui évoquent la livrée des félins, et sa queue annelée ressemble à celle du makikata. Le lémurien qui prête ses traits au King Julian, le roi exubérant et un peu fêlé du film Madagascar des studios DreamWorks. Elle pèse en moyenne 1,5 kg et atteint la même taille que le chat domestique. Avec son museau pointu cerclé de noir, ses grandes oreilles arrondies bien plantées sur le dessus de sa tête et sa silhouette serpentine, on la croirait tout droit sortie des contrées exotiques. Et pourtant, notre créature a élu domicile dans nos forêts tempérées de France métropolitaine. Sa furtivité et sa discrétion en font un animal presque mythique, car rares sont ceux qui peuvent se vanter de l'avoir observé. Vous l'avez reconnu ? Il s'agit de la genette commune, Genetta genetta. Souvent confondue avec le chat avec qui elle partage une certaine ressemblance, son agilité et son amour des branches en hauteur, la genette est le seul animal appartenant à la famille des vivéridés, à avoir élu domicile sous nos latitudes. Cette famille peu connue comprend les civettes et les linsang que l'on trouve en Afrique et en Asie, ou encore l'étrange chat-ours asiatique unique en son genre, et que l'on connaît surtout sous le nom de binturong. Sachez d'ailleurs pour l'anecdote que le binturong sent le pop-corn. Oui, pour de vrai. Un article de 2016 par l'équipe de Lydia K. Green dans le journal Naturwissenschaften, merci Madame Lenin pour l'allemand LV1, a même révélé que ce délicat arôme proviendrait d'un composé particulier, le 2-acétyl-1-pyroline, 2-AP, qui est habituellement formé lors du processus de cuisson à haute température et que l'on retrouve dans l'urine du binturong. Les civettes, quant à elles, ont été élevées depuis l'Antiquité pour leur musc, une substance qu'elles produisent et qui est très prisée en parfumerie. On va en reparler plus tard, mais gardez à l'esprit que les viviridés et les odeurs, c'est une histoire qui dure. Comme ses cousins plus ou moins étranges, notre genette vit principalement la nuit, ce qui complique largement l'observation et la description de son comportement. Elle est exclusivement carnivore et déguste insectes et invertébrés, lézards, poissons, œufs, oiseaux et autres petits mammifères. Le mulot sylvestre, petit rongeur forestier, représente la majorité de son alimentation. Notre chasseresse implacable est réputée pour tuer ses proies d'une seule morsure dans la nuque. Crac ! Rapide et efficace. Certaines d'entre elles se spécialisent sur certaines proies. C'est le cas dans le Lot, où les genettes diversifient leur menu. Un article publié en 2018 dans le Journal of Pet Research and Conservation par Christian Riold et Renaud Nadal révèlent qu'elles sont capables d'attraper des chauves-souris. Ils pensent que les genettes arrivent à les saisir lorsqu'elles sortent en pagaille de leur lieu d'hivernage en se mettant à l'affût à l'entrée de leur cachette. En 4 ans et plus de 12 000 crottes analysées, les restes de 9 espèces de chauves-souris différentes ont été identifiés comme faisant officiellement partie de leur menu. Un repas de haut vol. Mais qu'en est-il de son mode de vie ? Est-elle solitaire, sociale ? Comment communique-t-elle avec ses congénères ? Les maigres informations que l'on a pu collecter sur la vie secrète de la genette proviennent en grande partie d'expériences menées en captivité au laboratoire de psychophysiologie de l'université de Strasbourg par Jean-Jacques Roeder au tout début des années 1980. Même si ces observations ont été faites sur un tout petit nombre d'individus, dans des conditions très différentes de leur forêt natale, elles nous livrent de précieuses informations. L'une des découvertes principales concerne bien entendu les odeurs. Comme tous les viviridés, la genette est connue pour son odeur musquée. Elle possède plusieurs glandes sur tout le corps qui ont des rôles différents et qu'elle utilise pour marquer. Mâles et femelles s'informent dans ces lettres parfumées pleines d'informations de premier ordre. Deux types de marquages distincts ont été répertoriés. Le premier se fait par l'intermédiaire de la glande située dans la zone ano-urogénitale, donc entre l'anus et la zone génitale. On l'appelle la glande périnéale. On peut très bien voir ce type de marquage par une petite flexion des pattes arrière pour déposer l'odeur. L'animal peut marquer aussi bien avec de l'urine ou bien avec la sécrétion issue de la glande qui laisse des marques brunes sur le support frotté. Les mâles utilisent davantage l'urine alors que les femelles, elles, misent sur la sécrétion de leur glande. Dans l'article publié en 1979 dans le journal Behavior, le chercheur dénombre les marquages et on peut dire que les genettes ne font pas les choses à moitié. Il compte 18 à 64 marquages par heure chez les femelles et entre 8 et 10 marquages chez les mâles. Le deuxième type de marquage, lui, s'observe quand l'animal frotte ses flancs ou ses pattes arrière contre une surface, un peu comme quand votre chat se frotte à vos jambes. Apparemment, chaque type de marquage a un sens et relaierait des informations différentes. Dans un article paru en 1979 dans le journal Mammalia, Roder décrit l'augmentation de la fréquence des marquages chez le mâle avant l'accouplement, qui s'accompagne d'un hoquet qui va crescendo jusqu'au moment où le couple s'unit. Le hoquet serait déclenché par l'odeur dégagée par la femelle ainsi que ses marquages qui révéleraient son état physiologique. Apparaissant 2 jours en moyenne avant les ébats, la fréquence de ces hoquets, qui ressemblent beaucoup aux hoquets humains, augmente jusqu'à devenir un bruit presque continu au moment de l'accouplement. C'est à la fois très ridicule et plutôt mignon. Aussi étrange que cela puisse nous sembler, ce hoquet jouerait un rôle apaisant qui rapprocherait les partenaires, les goûts et les couleurs. D'ailleurs, en termes de son, sachez que les genettes ronronnent aussi, et oui, et ce dès leur première semaine de vie, ce qui les place d'office sur le podium des animaux les plus choupis. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs observations suggèrent que les genettes seraient capables d'identifier des congénères grâce à leur odeur uniquement. Dans un article paru en 1982 dans le journal Zeitschrift für Tierpsychologie, Jean-Jacques Roder, toujours lui, dépose des marques olfactives de mâles connus et inconnus dans la cage de 2 femelles genettes et chronomètre le temps qu'elles passent à sentir chaque odeur. Les odeurs inconnues suscitent plus d'intérêt et il observe que les femelles genettes passent plus de temps à renifler les odeurs de ces mâles inconnus. Il constate des différences significatives de temps de reniflement entre mâles connus et inconnus jusqu'à 9 semaines après que les femelles aient été séparées de ces mâles connus. Au-delà de 9 semaines, les femelles passent autant de temps à sentir les odeurs connues et inconnues. On en déduit donc qu'elles se souviennent d'une odeur pendant 9 semaines, ce qui est quand même déjà plutôt pas mal. Les genettes ont donc bonne mémoire, avec leur nez. Mis à part ces quelques observations, les mœurs de la genette restent excessivement mystérieuses, aujourd'hui encore. Pourtant, on la connaît depuis longtemps. Depuis l'époque où l'on appelait encore les musulmans des Sarrasins, c'est dire. La légende raconte que lors de leur défaite à Poitiers, face à Charles Martel en 732, les nombreuses peaux et les genettes vivantes présentes dans le butin de l'armée vaincue ont tellement charmé le duc des Francs par leur beauté qu'il aurait créé l'ordre de la genette en leur honneur. Cette haute distinction récompense 16 chevaliers parmi les plus braves qui, en plus de la gloire, recevaient un collier ouvragé orné du fier viviridé. On pense que la genette se serait ensuite installée en Europe avec la colonisation de l'Espagne et du sud de la France par les Maures, originaires du Haut Atlas. Cette hypothèse est corroborée par la présence d'ossements de genettes retrouvés sur un site archéologique du XIIIe siècle, le château de Mertola au Portugal, période qui correspond à la fin de l'occupation de cette région par les Maures. Cette hypothèse a également été validée par des analyses génétiques. En effet, en analysant en détail le génome de 199 genettes capturées en Espagne, au Portugal, en France, en Italie et aux Baléares, l'équipe de Philippe Gobert a confirmé l'arrivée des genettes en Europe avec les Maures. Leurs résultats, publiés en 2015 dans le journal Biological Invasions, montrent que les genettes européennes sont plus proches génétiquement des genettes algériennes que des genettes marocaines. Or, si les genettes avaient pris leur petite papatte et avaient traversé le détroit de Gibraltar toutes seules, il aurait été plus logique que ce soit les genettes marocaines qui se seraient retrouvées chez nous, car elles sont plus proches géographiquement du point de passage entre les deux territoires. Mais que nenni ! Cette analyse génétique suggère que les genettes européennes et les genettes algériennes partagent un ancêtre commun qui serait arrivé avec les Maures pendant la conquête de la péninsule ibérique. Quand on part de chez soi, on emmène ses jeunettes en voyage. Logique. Mais les choses sont comme d'habitude plus compliquées que prévu. Certains indices suggèrent que les jeunettes seraient arrivées en Europe avant les morts. Un article publié en 2017 par l'équipe de Miguel Delibes avec le journal Archaeological and Anthropological Sciences détaille la découverte de deux squelettes de jeunettes découverts à Malaga, dans le sud de l'Espagne. L'analyse de leurs ossements à l'aide du carbone 14 a permis de les dater. L'un des spécimens est 5 siècles plus vieux que celui découvert au Portugal, du XIIIe siècle. L'étude révèle qu'en réalité, il y aurait eu au moins deux périodes de colonisation différentes, l'une avec les morts, autour du XIIIe siècle, et l'autre bien plus ancienne, qui correspondrait davantage au passage des Phéniciens et de leurs héritiers carthaginois. Une chose est sûre, quelle que soit l'époque, la jeunette a bien l'air d'être venue en Europe dans les bagages de divers voyageurs. Absente des bestiaires médiévaux occidentaux, elle semble tout de même très prisée par les gens de l'époque. Certains affirment que quelques jeunettes vivaient à la cour des rois d'Europe et qu'elles étaient traitées comme des animaux de compagnie, au même titre que nos chats domestiques actuels. On les élèverait pour chasser les rats et les souris. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur la question. D'après Virginie Muxar, qui analyse la valeur symbolique de la jeunette dans la littérature et l'art médiéval occidental, il faut attendre le XVe siècle pour la voir apparaître dans les livres et les blasons. Elle devient l'emblème des princesses prénommées Jeanne au XVe et XVIe siècle. Jeanne, jeunette, tu l'as. Dans le roman Perse Forest, daté du XVe siècle, Camille, l'héroïne, envoie à son prétendant, le preux chevalier aux trois papegeaux, un nouvel écu qu'il devra arborer sans savoir qui le lui envoie. Cet écu est orné d'une jeunette blanche. Notre animal, tout de blanc vêtu, fait écho à la pureté de la jeune fille, mais peut-être est-il également un symbole d'amour avec un grand A. Mystère. On voit aussi peu à peu apparaître notre viviridée tachetée sur des tapisseries. Elle apparaît sur deux des tapisseries de la Dame à la licorne, la vue et le goût, au milieu de fleurs et d'animaux dans un décor foisonnant. Sur la tapisserie, la licorne est débusquée, issue de la série de 7 œuvres intitulées « La chasse à la licorne », réalisée entre 1495 et 1505. Notre jeunette trône au premier plan, devant la licorne, entourée par les chasseurs. Elle pose entre le léopard et la hyène, qu'elle côtoie sans peur. Associée à la licorne, symbole de pureté, et faisant face à la hyène, déjà mal vue, la jeunette se placerait ainsi du côté du bien. Parfois assimilée à la symbolique de la belette, la jeunette protège ce qui doit l'être et fait rempart face aux forces obscures. Notre belle exotique est donc aussi un peu magique. Discrète et silencieuse chasseresse des sous-bois, la jeunette continue de vivre tout près de nous, tout en échappant à nos regards un peu trop insistants. Fidèle inconnue, voisine fantomatique, elle garde tout son mystère et ses secrets. Et nous revoici avec Marie Trébert, vulgarisatrice scientifique et vidéaste, créatrice de la chaîne YouTube La Boîte à Curiosités. Elle vient nous parler de bestioles bizarres, de curiosités en tout genre et de transmission des savoirs. Alors, vous vulgarisez sur Internet les bizarreries des animaux les plus étranges et vous incitez celles et ceux qui vous suivent à être curieux. Alors, ma première question, un peu bateau certes, mais essentielle, est-ce que vous-même, vous êtes une grande curieuse ? Tout à fait. Et c'est un oui. Et c'est un oui. Ben oui, et ça depuis bien petite, je dirais. J'ai pas baigné dans des études scientifiques, mais pour autant, j'avais cette curiosité un peu scientifique depuis toute petite. C'est-à-dire que quand mes parents m'offraient des poupées ou des Legos, je courais chercher l'eau qui était en train de pourrir dans le vase pour observer des paramécies au microscope. Ça me fascinait bien plus. Où je passais des heures devant l'aquarium à regarder les poissons avec leurs branchies, à me dire « mais comment ils font pour respirer ?» Et du coup, c'était que des questionnements comme ça tout le temps. Tout le temps, voilà, c'était vraiment... Mais toujours très axé sciences naturelles, les animaux, ouais, tout ça. C'était cette espèce de fascination du vivant. Après, la curiosité sur plein de choses. Mais c'est vrai que le vivant, c'était quelque chose qui me fascinait vraiment. Et j'avais la chance d'avoir un petit bout de jardin. Alors, je regardais les fourmis, les limaces, les escargots. Et c'est vraiment, c'était fascinant. Parfait. Et du coup, je me demandais, parce que être curieux et fasciné, c'est une chose. Mais d'où est-ce que vous est venue cette envie de partager les mystères des sciences naturelles avec les autres? Cette idée de, voilà, de vulgariser des connaissances avec un auditoire. C'est venu assez tard, en fait, parce que bah, du coup, ma curiosité, je la gardais beaucoup pour moi au début. Après, j'étais toujours super enthousiaste de le partager à ma famille. J'étais, hey, j'ai découvert ça dans le jardin, c'est trop bien. Mais c'est vraiment venu. En fait, à la base, j'ai fait des études d'art plastique. Je voulais faire de la muséologie. J'ai fait un stage au Muséum d'histoire naturelle dans l'atelier de sculpture, moulage, de paléontologie. J'ai moulé des os de dinosaures. Wow. Et en fait, j'ai filmé tout ce que je faisais. J'en ai fait une vidéo un peu rapport de stage pour mes proches et mes collègues. Et en fait, on m'a dit, hey, mais c'est trop bien, en fait, tu pourrais trop faire une chaîne et t'en parles bien et t'es enthousiaste. Et au début, j'étais, non. Est-ce que je suis légitime à faire ça, etc. Et j'y avais jamais pensé, en fait, à partager ça et même au fait que ça pouvait intéresser les autres. Et au final, je me suis lancée comme ça parce que on m'a poussé un peu, vas-y, tu peux, c'est cool. Et du coup, voilà. Donc, c'est venu un petit peu par hasard au cours d'un projet un peu pro. Donc, cette formation dont vous parlez, qu'est-ce que vous appreniez? Donc, c'est une formation très artistique, mm-hmm. Mais vous avez appris à travailler quelle matière, quelle technique par cette formation? En fait, j'étais dans une école à Paris qui s'appelle l'ENSAMA Olivier de Serres, dans laquelle il y a des études supérieures de métiers d'art. Donc, c'est très artisanal. Et j'ai fait un diplôme qu'on appelle en matériaux de synthèse, donc les matières de synthèse qui sont les résines, les silicones de moulage, etc. Ça peut avoir plein d'applications comme fabriquer des accessoires pour le cinéma ou ce genre de choses, mais j'étais très dans le volume. Et c'est vrai que du coup, pour lier à la fois ma passion du vivant et ma passion du volume et de l'art, je voulais faire de la muséologie, d'où le fait après d'aller dans... J'ai fait deux stages au Muséum d'Histoire Naturelle, parce qu'ils ont plein d'ateliers, en fait, où il y a du moulage, de la résine, etc., pour présenter ou même mouler des fossiles, ou ce genre de choses. Pour créer des modèles, des choses comme ça, pour montrer ensuite. Ouais. Etc. Et voilà. Et ces stages, du coup, c'était pour valider cette formation, les stages au muséum? Le tout premier, ouais, c'était pour valider ma formation. C'était un stage obligatoire, donc le muséum avait dit OK pour me prendre. Et c'était dans l'atelier de sculpture et moulage de la Grande Galerie de l'Évolution à Paris. Et c'était juste trop, trop chouette. On moulait des petits... plein de choses, en fait. On faisait des empreintes sur des animaux, des os, plein de choses. Ça veut dire que des fois, vous travaillez avec des pièces un peu fragiles, parce que vous parlez de fossiles. Donc, ça veut dire qu'on prend vraiment le vrai fossile. Et complètement. Ouais. Et ça, c'était le second stage que j'ai fait, qui était bénévole, juste pour le plaisir, en fait. J'y étais retournée, je me suis dit, j'aimerais bien faire ça. Ils m'ont dit, OK, stage bénévole pendant l'été. Donc, je suis restée, je sais plus, 2-3 semaines. Et oui, en fait, on travaillait sur des vrais fossiles. Donc, j'ai travaillé sur une nouvelle espèce de dinosaure. Wow. C'était trop trop cool. Et donc je travaillais sur un tibia de dino énorme et je devais mouler ce fossile, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que les fossiles ne sont pas toujours exposés souvent au Muséum d'Histoire Naturelle. En fait, si on regarde sur les étiquettes, il y a écrit moulage, il y a plein d'originaux qui sont dans les réserves. Et souvent, quand il y a des scientifiques qui viennent étudier les fossiles, ils se basent sur les moulages, parce que c'est tellement des empreintes très très précises qu'on préfère sortir le moulage que sortir l'original, qui peut être fragile, qui peut tomber, qui peut se casser. Et du coup, voilà, c'était trop bien. Et vous avez toujours eu ce goût de fabriquer des choses par vous-même? Parce que c'était vraiment le but principal de votre formation. Vous avez appris à fabriquer plein de choses. C'est quelque chose que vous avez toujours aimé faire. Ouais, complètement. Oui, complètement. En fait, donc regarder Paramessi et puis construire juste exactement, après. Dessiner, faire des gommettes, faire des colliers de coquillettes. Et voilà, c'était ma passion. Et en fait, j'avais mon papa qui travaillait dans les décors de téléfilms ou sur des émissions ou au cinéma. Et du coup, j'étais beaucoup dans le milieu de l'accessoire. Mon père, il avait un atelier avec beaucoup de matière et il m'incitait à bidouiller. Donc, très jeune, en fait, ces deux passions, elles étaient là. Donc, en grandissant, c'était un peu logique pour moi d'essayer de les rassembler, de les fusionner. Et voilà. Ça se tient tout à fait. Et juste après donc la fin de votre diplôme, vous aviez développé une activité où vous fabriquiez des objets aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Je voulais. En fait, j'ai lancé ma propre marque de bijoux. Mais c'était des bijoux très cabinet de curiosité. C'était des bijoux entomologiques, on va dire, où avec donc tout le savoir que j'avais artisanal autour de du moulage et de la résine. En fait, je prenais des petits fragments d'insectes que je moulais en silicone et ensuite j'en faisais des tirages en résine que j'amenais à un fondeur qui me faisait des tirages en argent, en laiton, pour faire des pendentifs avec des petits morceaux, des petits fragments d'insectes. Parce qu'en fait, mon mémoire de fin d'études, c'était sur comment on peut réconcilier les phobies de certaines personnes via l'objet. Donc en touchant des objets ou en les portant sur soi, etc. Et la phobie des insectes, c'était un truc qui me fascinait parce que Parfois, quand je ramenais des insectes aux gens, je disais « Regardez, j'ai trouvé ça dans le jardin !» Ils disaient « Mais c'est horrible, Marie, juste vraiment !» Et en fait, en prenant une empreinte et en les tirant dans une matière un peu précieuse qui attirait le regard, tout de suite, les gens étaient plus sensibles, arrivaient à le prendre dans la main, à le toucher, à le mettre contre soi. Et ça me fascinait, cette espèce de barrière de la matière et de se dire que ça pouvait réconcilier presque des gens à toucher et à regarder. Et c'était un peu le but de ma petite marque de bijoux. Ça a duré quand même quelques temps, cette activité-là en tant qu'indépendante. Et ensuite, si j'ai bien suivi, vous êtes lancée dans la grande aventure vidéo sur YouTube en 2019. Oui, tout à fait. Tout à fait. Très précisément. Et votre première vidéo, en fait, vous avez gagné un concours, c'est ça, organisé par la Banque Postale et le collectif humoristique Golden Moustache. Tout à fait. Et du coup, j'invite tous les auditeurs et les auditrices à aller la voir parce qu'on peut le dire, ça pète. Hein, pour une première vidéo, vous avez une musique originale, de l'animation, des acteurs, un lieu de tournage prestigieux, le Muséum d'histoire naturelle dont on parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, je ne résiste pas à vous diffuser un court extrait de la musique composée par Louis Chenu pour l'épisode. Savoir un peu comment est-ce que ça s'était passé, cette première grande aventure, parce que vous êtes passé donc de ce mémoire de stage vidéo à la sortie de votre stage, que j'imagine vous avez fait tout seul, vous avez été prise de vue, montage, et là vous aviez toute une équipe avec vous, il a fallu écrire, il a fallu monter, il a fallu coordonner tous ces corps de métier. Comment ça s'est passé? Une fois de plus, c'était pas du tout prévu dans ma vie. J'ai postulé, en fait c'est un appel à projet en scrollant sur Instagram, je fais ça a l'air cool, peut-être que ça serait peut-être le moment de me pousser. Je gagnerai jamais, mais ça peut initier déjà quelque chose et me pousser à faire une vidéo de présentation et concrétiser un peu. Et en fait, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Bon, rendez-vous demain à Paris chez Golden ». Et je fais « Mais quoi ?» Et du coup, ça s'est lancé vraiment du jour au lendemain. Et je me suis dit mais waouh. Et du coup, là, j'avais plus le choix, quoi. Fallait que je le lance. Et en plus, dans les meilleures conditions possibles, avec les équipes de Golden Moustache, que ça soit en écriture... En réalisation, en musique, c'était carte blanche, budget. Et ça, j'ai eu vraiment beaucoup de chance pour le coup, parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais vous aviez déjà une idée précise de ce dont vous vouliez parler quand vous avez proposé, j'imagine, le projet, vous aviez déjà dû préparer une idée, un script? Non, pas vraiment un script, en fait, puisque au final, je suis arrivée avec une idée chez Golden et on est parti un peu sur autre chose. Bon, ça restait, l'idée, c'était lancer ma chaîne YouTube de vulgarisation. Mais à la base, j'étais arrivée avec « je veux faire une vidéo de vulgarisation ». Ils m'ont dit « mais attends, on fait peut-être un épisode pilote, un peu fiction, on pourrait voir comment faire ça ». Et puis Golden Moustache, ils étaient à fond dans la fiction, donc ils avaient les codes et ils savaient comment faire. Mais non, moi, j'avais pitché ma chaîne qui mélangeait un peu la fiction. C'était l'idée de cette boîte à curiosité qui est magique. Et quand on l'ouvre, c'est un peu une boîte de Pandore. Elle va déclencher des événements qui vont forcer la personne qui l'ouvre à être curieux. Et j'avais cette idée, mais c'était pas, je ne m'étais pas dit je vais faire un court-métrage de fiction. Oui, parce que c'est une vidéo un peu longue. Elle fait 16 minutes, 17 minutes, quelque chose comme ça. Ce n'est pas un format court qui est quand même assez valorisé par l'algorithme YouTube. Donc, c'était déjà une vidéo un peu longue au niveau du contenu. Vous avez quand même toujours eu cette idée qui est de la fiction, au tout début en tout cas. Ouais. Donc il y avait vraiment cette idée, donc c'est vrai que j'invite là aussi les auditeurs et les auditrices à aller voir. Donc il y a vraiment cette boîte que vous avez, qui existe pour de vrai, vous avez fabriquée avec vos petites mains. Mais non, je l'ai trouvée, elle est magique. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, voilà, quand, en tout cas dans l'épisode, quand vous l'ouvrez, vous découvrez un jeune Charles Darwin enthousiaste qui déboule dans le Paris du XXIe siècle. Exactement. Et qui va avec vous au Muséum des sciences naturelles. Ouais. Il y a d'autres événements qui arrivent avec la boîte. On ne va pas spoiler, il faut que les gens aillent voir. Mais voilà, vous aviez quand même cette idée de boîte dès le début dans le projet. Ouais. Ouais. Oui, puisque quand j'ai envoyé mon pitch à Golden Moustache, j'avais la boîte en main et j'avais l'objet un peu bizarre, un peu mystérieux. Et j'avais fait un pitch un peu comme ça, magique et mystérieux, en disant que je voulais que ça soit de la vulgarisation, mais en utilisant des leviers comme la magie, l'humour et éventuellement la fiction. Parce que c'est vrai que c'est le seul épisode qui est entièrement de fiction. Il y a souvent des petits éléments de rappel à la boîte, on la voit dans d'autres formats plus tard, mais sur les autres, vous expérimentez à la fois des formats courts, des formats plus longs, mais c'est toujours beaucoup plus axé fait scientifique. Ouais. Vous voudriez revenir, si c'est possible? J'aimerais beaucoup. Ça coûte très cher. Bah, oui, c'est vrai. En fait, c'est simplement ça. C'est moi, j'ai déjà écrit deux autres épisodes de fiction slash vulga parce que j'avais adoré faire ça et je trouvais ça vraiment chouette. Mais voilà, ça coûte beaucoup d'argent la fiction et du coup, c'est vrai que la fiction sur YouTube, il y en a pas tant, ça marche pas très bien. Donc c'est difficile de motiver ou de soulever des fonds. Donc pour l'instant, je fais d'autres choses et je m'amuse tout autant. Hein, mais ce format-là, pour l'instant, c'est en stand-by. Il reste peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour, ça se fera. C'est pas dit. Est-ce qu'il y a une fin ouverte à la fin du premier épisode? Exactement. Voilà, il y a un petit peu de suspense. Là, on parle de YouTube, on parle de vidéo, mais pourquoi est-ce que vous êtes tourné vers ce format-là? Parce qu'au final, vous pourriez faire du podcast, vous pourriez utiliser la sculpture, les objets, pourquoi pas fabriquer, je ne sais pas moi, des puzzles, des figurines, il y a plein de moyens de... Qu'est-ce qui vous a attiré vers le format vidéo en premier? Qu'est-ce que vous vouliez expérimenter avec? Quand j'étais à l'école, j'étais pas très forte en sciences. Par contre, c'est vrai que quand on était très dans le scolaire, les chiffres, les exercices, j'avais beaucoup de mal. Mais dès qu'on me passait un épisode de C'est pas sorcier, ou qu'on me montrait des objets, des images, ou qu'on m'emmenait sur le terrain, ou que je pouvais toucher, expérimenter en fait ce vivant, on va dire, et cette science, ça rentrait tout de suite beaucoup plus facilement. Donc, bon, après, il n'y a pas de schéma, il y a des gens qui arrivent à avoir une attention captée de manière plus scolaire, d'autres par l'image, d'autres par la vidéo. Et c'est vrai que moi, j'avais l'impression que ça fonctionnait plus comme ça et j'en ai souffert à l'école, en fait, parce que moi, je rêvais de faire une grande carrière scientifique et en fait, j'avais pas les résultats qui suivaient, quoi. Et du coup, c'est ça que je voulais un peu expérimenter, quoi. Le but, c'était pas de refaire du C'est pas sorcier. Après, on sent que les codes m'ont marqué, mais oui, de se dire, il y a des gens qui ont une attention qui est captée différemment que comme ça, comme à l'école, et par l'image, par les couleurs, par l'action, par la magie, par la fiction. Et c'est des codes qui permettent d'apprendre quand même. Et c'est ça que je cherche à mettre en avant. Donc aussi un peu toucher ceux qui rentrent pas forcément dans les codes de l'école pure et dure, et aussi ça. Leur montrer qu'ils peuvent tout à fait être curieux et s'émerveiller d'autres façons. Sans être expert d'un sujet ou quoi, et c'est ça que je trouve magique avec la vidéo. Et puis c'est vrai que ça vous permet d'expérimenter plein de choses qui sont quand même très visuelles. Oui. On va en parler tout de suite. L'une de vos marques de fabrique, c'est la création d'accessoires. Donc en effet, il y a une petite influence C'est pas sorcier sur certaines maquettes qu'on retrouve. Donc tous les enfants des années 90 ont forcément adoré C'est pas sorcier. Mais ce qu'on retrouve aussi dans votre format animaux étranges notamment, on vous voit revêtir le costume du martinet noir, de l'ornithorynque, du pangolin, du tardigrade ou encore de la baudroie abyssale. Ouais. Comment est-ce que vous procédez pour fabriquer ces différents costumes qui sont tous très différents, hein, parce qu'on a du carton, on a des choses très variées au niveau des formes et des matières. Du coup, comment est-ce que vous procédez? Alors déjà, je choisis un animal parce qu'il y a une curiosité sur son cycle de vie qui m'a vraiment... je me suis dit, ça, il faut en parler, il faut que le monde sache, c'est pas possible. Donc je choisis un animal et après, il y a deux choses. C'est je regarde les matières que j'ai en stock chez moi ou que j'ai dans ma cave. Donc ça peut être des morceaux de tuyaux d'aspirateur, du carton, du papier, des choses que j'ai. J'essaye vraiment de recycler un maximum parce que je trouve ça vraiment drôle. Et en plus, ça permet de recycler, de leur donner une seconde vie un peu rigolote. et ensuite, je marche vraiment par caricature. Je me dis, OK, c'est quoi? Par exemple, pour la baudroie abyssale, qu'est-ce que je veux raconter? Je veux me focaliser surtout sur son cycle de reproduction qui est vraiment trop bizarre. Et après, je vais faire un peu une caricature de l'animal en me disant, il faut que je le construise comme ça pour qu'on comprenne au premier coup d'œil que... faut que l'œil se dirige sur là où va se passer la reproduction. Et je marche vraiment à la caricature, quoi. Et donc, je dessine et je... Oui, parce que vous dessinez aussi, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais voilà, on peut se dire, bon, un métier artistique, elle sait tout faire, mais ça va mieux en le disant, vous dessinez également. Je gribouille. Donc, un peu plus que gribouiller quand même, mais ouais, tout à fait. Et est-ce que vous les gardez? Est-ce qu'on peut espérer voir une exposition un jour des costumes de la boîte à curiosités? Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une dédicace à la librairie du Louvre à Paris. Ils tenaient absolument à avoir des costumes en vitrine. Et du coup, on a mis une tête de poisson en carton dans la vitrine qui avait servi dans l'épisode avec Pierre Kerner pour le Simoto Exigua. C'était très drôle. Mais oui, bah bon, après, le problème, c'est que comme c'est fait en matière recyclée, que souvent, je me dis, c'est usage unique, souvent... Ils souffrent un peu dans les tournages, ouais, des fois. Oui, complètement, complètement. Donc parfois, ils sont pas en très bon état, mais j'ai peine à les jeter. Donc dans ma cave, c'est rempli, c'est empilé de sacs remplis de costumes. Je me dis, ça pourra resservir un jour. Et je suis attachée à mes costumes. Et comme ça, on a peut-être l'espoir de les revoir plus tard ou dans un autre épisode. On peut faire imaginer des crossovers tardigrades Baudroy. On avait fait un clip d'anniversaire où, en fait, j'avais réenfilé certains costumes en dansant gracieusement. Pas du tout. Je sais pas danser. Et oui, on les voyait défiler un peu, c'était rigolo. Par rapport aux costumes, c'est vrai que je vais vous poser la question. C'est vrai que vous avez un ton décalé, on peut le dire. Et l'emploi de costumes, ça peut aussi parfois un peu rappeler le travail d'Isabella Rossellini, oui, qui, avec ses séries de courts-métrages Green Porno et Seduce Me, parle de la vie sexuelle débridée des animaux. Est-ce que c'était l'une de vos inspirations? Oui, complètement. Je regardais ça avec mon papa quand j'étais petite et j'étais... hallucinée, je trouvais ça génial, quoi. Elle est. Puis elle y va à fond, quoi. Ouais, elle y va à fond. Après, bon, j'ai pas les mêmes moyens. Mais et à la fois, il y a ce côté très carton dans ce qu'elle fait. Mais ouais, je trouvais ça génial. Après, mes formats, je les ai lancés. Je sais plus, je voulais parler de la reproduction des limaces léopards. Je me suis dit, mais comment je pourrais me déguiser et parler aux gens? Et j'ai vu des rouleaux de cellophane dans la cuisine et j'ai fait. Ouais, ok, je m'entoure de cellophane, je me fais des antennes en cellophane et je suis une limace et let's go. Mais ouais, clairement, je l'admire beaucoup, cette dame. Bah, elle a vraiment ce ton décalé qu'on retrouve tout à fait dans vos créations. D'ailleurs, dans le côté décalé, vous aimez aussi mettre en avant le dégueu, parce que le monde naturel n'est pas toujours fleurs et paillettes. On vous voit éclabousser de caca sur la vidéo des pangolins, mimer un chat qui se purge dans celle sur les drogues, ou sectionner un pénis tube aspirateur lors de la fameuse parade des limaces léopards. Est-ce que vous vous censurez parfois, ou vous voulez exprimer toutes vos idées, même les plus trash, et vous dites « ça passe » Je me censure dans le sens où j'ai réalisé qu'il y a quand même beaucoup d'enfants et de familles qui me regardaient. Et au final, en fait, je me censure pas tant dans l'image et dans le costume, c'est plus dans le propos. Je veux pas que ça soit vulgaire ou que ça tombe dans des... J'essaie vraiment... En fait, les enfants, ça va parfois quand je dis des gros mots. En fait, je me suis rendu compte qu'ils se focalisaient vraiment sur le costume, l'image, les couleurs, et ils écoutent à peine, en fait. Ce qu'ils impriment, c'est comment je vais bouger, l'animal, ils vont retenir les actions à l'écran, mais finalement, les mots, ça va. Mais parfois, je me dis, bon, non, fais attention quand même, il y a des enfants qui regardent. Mais ça veut dire que vous avez un petit peu des retours, vous savez qui vous regarde justement au niveau de votre public? Ouais, en fait, quand j'ai lancé ce format-là, je me disais que c'était complètement pour adultes, et que... il n'y aurait pas du tout de famille. Et en fait, j'ai commencé à avoir beaucoup de parents ou des profs de SVT, de collège. Bon, c'est des ados, mais qui me disaient, nous, on le diffuse en cours, c'est génial. Ou il y a un papa qui m'a écrit, qui m'a dit, moi, ma fille, elle a 5 ans. Bon, elle ne comprend rien à ce que tu déblatères. Mais par contre, tes costumes, elle est à fond et elle comprend au final. Et après, on en parle entre papa et fille. Je lui explique, du coup, moi, ce que j'ai vu. Et en fait, il y a beaucoup d'enfants qui regardent. Un vrai débrief, c'est une surprise. Puis c'est chouette de savoir que ça va aussi dans les salles de classe, comme les C'est pas sorcier à notre époque. Carrément. Donc ça a clairement touché sa cible. Non, c'est vraiment un super retour, quoi. Puis c'est vrai que Internet, c'est merveilleux, mais on n'a pas toujours d'échanges aussi rapides. C'est dur de savoir exactement qui regarde, sauf ceux qui laissent des commentaires, etc. Mais c'est pas la majorité. Donc non, mais c'est vraiment chouette. On vous laisse chanter à plein poumon et bouger la tête en rythme, le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. You may possess the world and its gold. that won't do nothing when you're growing old. You may possess all the things money can buy. You ain't got nothing till you've got peace in your mind. Peace in your mind, love in your heart, joy in your soul, brother, love in your heart. Peace in your mind, love in your soul. You ain't got nothing until you've got peace of mind. Yeah, yeah, yeah. You may possess a big bank account. You may own cattle in large amount. You may possess all the world and its gold. You ain't got nothing till you've got peace in your soul. Peace in your mind, joy in your heart, love in your soul, brother. Peace in your heart, peace in your mind, love in your heart. You ain't got nothing till you've got peace in your mind. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Peace in your mind, joy in your heart, love in your soul, brother. Peace in your mind, peace in your mind, love in your heart. You ain't got nothing until you've got peace of mind. C'était Peace in Your Mind de Bob Andy. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Et nous revoici avec notre invitée Marie Trébert, vulgarisatrice scientifique et vidéaste, créatrice de la chaîne YouTube La Boîte à Curiosités. Elle revient avec nous sur son travail et sur les créatures étranges qu'elle veut vous faire aimer. Et du coup, au niveau du procédé, c'est vrai que... on a du mal forcément à voir tout le travail qui se cache derrière une vidéo, parce qu'il y a tout un corps de métier à faire. Je voulais savoir, pour tourner une vidéo, enfin pour la créer, parce qu'il n'y a pas que le tournage, quelles étaient les grandes étapes de travail? Comment est-ce que vous procédiez? Donc, par exemple, vous choisissez un animal, ça vous l'a dit, il y a un truc fun qui vous attire. Et ensuite, à partir de là, comment est-ce que vous travaillez? Y a une grosse phase de recherche. Et puis après, il y a une grosse phase d'écriture, et puis après, il y a une grosse phase de relecture, puis de réécriture, puis de re-relecture. On va dire que ce qui prend presque le plus de temps, enfin, c'est ça, quoi, c'est ces recherches-là. Et c'est pas parce que c'est du contenu rigolo, décalé, qu'il faut pas que ça soit quand même super sourcé et que ça soit. Enfin voilà, j'ai à cœur d'essayer de proposer quand même un contenu qui soit rigoureux là-dessus, même si je viens pas moi-même d'un domaine. Ou des études purement scientifiques, je m'entoure pour que voilà, des experts puissent relire, des spécialistes puissent relire. Et j'ai de la chance parce qu'à chaque fois, ils répondent présents et ils sont adorables. Quand j'avais fait l'épisode sur le blob, j'avais envoyé mon script à Audrey Dussutour, elle avait dit « ok » et elle me l'avait corrigé. Enfin, j'ai de la chance pour ça. Et donc voilà, ça, je tiens à cette rigueur-là et ça prend du temps, mais ça en vaut la chandelle. Et après, une fois que j'ai cette base et que j'ai ce script, au début, j'écris vraiment un script très scientifique, on va dire. Et une fois que c'est validé, que c'est relu, là, je peux partir dans l'humour et je sais que ma base est propre et que là, je peux partir dans le décalé. Donc, je fais vraiment une passe d'écriture humoristique. Et puis après, je conçois le costume. Oui, c'est ça, parce qu'après, voilà, une fois que vous avez le texte, il y a le costume et puis ensuite, il y a tout le côté technique. Il faut aussi donc filmer, oui. Il y a le montage. Oui. Tout ça, c'est vous qui le faites aussi derrière. Oui, alors je suis souvent accompagnée par quelqu'un qui m'aide quand même à cadrer, parce que quand on est saucissonné en limace léopard et qu'on n'a pas les bras de dispo... Dans le cellophane, tout à fait. Voilà, appuyer sur le bouton de la caméra n'est pas forcément très confortable. Et donc, je me fais souvent aider. Après, il y a des choses que je fais quand même toute seule. J'apprends aussi sur le tas parce que c'est des nouveaux métiers, mais il y a 2 ans je ne savais pas faire de montage, maintenant ça va, je me débrouille toute seule, mais c'est quand même plus confortable quand je peux me faire accompagner. Et vous avez plusieurs formats vidéo, c'est vrai que je ne les ai pas détaillés, mais sur votre chaîne, il y a à la fois des formats plus courts, où vous êtes en face caméra, où il n'y a pas forcément de costumes, il y a celle avec les costumes, et puis vous avez toute une série de vidéos là, qui sont en partie financées par le CNC, parce que vous avez une bourse, bravo, qui est tout ce qui est de plus honorable du CNC. Vous avez presque des mini-documentaires de 20 minutes, donc j'imagine que c'est pas, même si c'est les mêmes étapes, ce n'est pas la même quantité de travail à chaque fois. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Surtout, là, les derniers épisodes avec le CNC, c'était des gros sujets, très, très denses. Donc, en écriture, c'était mille fois pire que d'écrire un épisode sur la limace qui décrit une partie d'un cycle de vie et que ça dure 4 à 8 minutes max. On est sur des épisodes qui durent presque 25-30 minutes même. Et donc là, y a un gros, gros travail, pareil, d'écriture... de mise en place de lumière, de fabrication de maquettes, pour un épisode, on est sur 2-3 jours de tournage, quoi. Donc, et puis sans compter l'écriture, c'est une semaine de boulot complète, quoi. Entre, écrire, concevoir, tourner, monter, etc. Et est-ce que vous vous restreignez au niveau des formats? Parce que justement, on le disait, YouTube, c'est une plateforme qui valorise quand même beaucoup les formats courts. En plus, maintenant, ils ont même développé des shorts, des vidéos très courtes. Est-ce que vous, pour autant, vous voulez, quoi qu'il en soit, traiter votre sujet comme vous avez envie de le faire, même si ça prend 30 minutes, 40 minutes, tant pis? Ou est-ce que vous voulez essayer de coller à certaines chartes, certains codes de certains réseaux pour essayer de caler? Ou au final, qu'importe. Au début, j'étais très sûre du format court. Et puis, je commençais. Donc, au final, je n'avais pas toutes les clés, toute la méthodologie. Donc, j'y allais tranquille. Mais déjà, 8 minutes, c'était bien pour commencer. Mais maintenant, justement, je m'attelle à des sujets plus complexes, plus denses. Et là, je me laisse plus de temps parce que je ne peux pas... résumer certaines choses trop vite, et j'ai envie quand même de faire le tour et d'avoir un propos un peu plus profond que justement d'écrire juste la reproduction d'un animal ou autre chose. Mais non, généralement, je prends un sujet et j'écris un script comme je veux. Je me dis qu'il est complet. Après, je sais qu'il faut que je coupe un peu. C'est pas trop dur, ça? Tout ce travail qu'il faut enlever? Ça s'appelle tuer ses bébés. Du coup, je tue mes bébés dans mon script et ça me fait trop de peine. Mais j'efface jamais. Je fais tout en bas du script, je mets le cimetière de mes petites parties que je coupe. Mais sinon, je me restreins pas, quoi. Dans votre dernière vidéo, notre vision du vivant est-elle pourrie? Vous explorez les biais anthropomorphiques des humains qui kiffent les animaux mignons mais délaissent ceux qu'ils sont moins. Vous donnez d'ailleurs la parole à un animal moche qui se sent opprimé. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux, hein? Les humains se délectent à longueur de temps de vidéos de chiens mignons, de chats rigolos, d'espèces qui interagissent, qui vivent avec vous. Mais encore une fois, le privilège de votre attention, elle se focalise toujours sur un panel très réduit d'espèces animales. Et moi, ça me dégoûte, franchement! Par exemple, personne n'a de compte Instagram avec un ver de terre de compagnie, non! Et c'est dommage! Parce que moi, j'ai besoin d'amour! Et tout le monde s'en fout! Les gens, ils me marchent dessus toute la journée! Toute la journée! Rendez-moi le respect, s'il vous plaît! Puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais me créer mon propre Instagram! Joli ver de terre du 9-4. Ah, c'est moi! Et là, si je me déguise en putain de chihuahua, je te plais? Je te plais, comme ça j'ai l'air plus sympathique, tu vas me respecter maintenant? Regardez comme je suis mignon! Donc ce ver de terre vénère qu'on a entendu, qui est fâché que l'on n'aime que les chiens mignons et pas les autres, c'est un peu vous, non? En fait, si j'ai bien suivi, c'est quand même... parce que j'ai regardé toutes vos vidéos et vous mettez en avant toutes les espèces animales. Il y a les sangsues, il y a les baudroies, des poissons, il y a les limaces, il y a aussi des oiseaux et des mammifères. Mais est-ce que c'est important pour vous de mettre tout le monde à l'honneur et de ne pas avoir trop de chouchous? J'essaye. Après, c'est vrai que j'essaye toujours de mettre en avant des espèces que les gens connaissent pas forcément. Ce qui me plaît, c'est un peu ce côté, je dis moche, mais c'est pas qu'ils sont moches, mais bon, je dis moche, ces animaux moches vraiment qui peuvent repousser. En fait, c'est toujours cette fascination de se dire, mais pourquoi il y a des espèces qui nous révulsent, quoi? Alors que moi, quand j'étais petite, je jouais avec les vers de terre, ils étaient trop beaux, je les regardais, je les trouvais magnifiques. Pourquoi tout le monde n'a pas cette vision? Qu'est-ce qui se passe? Il faut rétablir la vérité. Et en plus, ça mord pas, c'est pas agressif, un ver de terre. Non, voilà, et puis ça rend des sacrés services aussi dans le sol, donc c'est cool. Mais je lutte un peu pour ça, parce que c'est vrai que, on a une vision du vivant très restreinte, finalement, surtout quand on vit en ville, à part des pigeons et quelques papillons, parfois, on a du mal puis même dans un mode de vie un peu effréné, à courir partout, à s'arrêter, à se dire qu'est-ce qu'il y a de vivant autour de moi. Donc j'ai envie de montrer mais qu'il y a toutes ces choses qui existent parce que je trouve ça chouette. Après, j'essaie de pas faire de favoritisme, non. Vous en avez en vrai ? Vous pouvez nous le dire, on va pas le dire trop fort. Est-ce que vous avez quelques chouchous ? Tout ce qui est un peu gluant. Non, ce que personne n'aime, en fait. C'est ça. Ouais, vraiment, c'est tous ces animaux ou ces espèces où on se dit ah, « c'est dégueu » ou qui provoquent du dégoût, tout de suite, j'ai beaucoup d'empathie. Beaucoup trop d'empathie. Mais vraiment, je les aime beaucoup. Mais ils ont besoin qu'on les aime aussi, c'est ce que disent Vers de Terre. Et d'ailleurs, ce Vers de Terre, il y a un truc qui me fait rire avec ce passage-là, c'est qu'il connaît parfaitement les codes d'Insta, hein, donc il crée son joli Vers de Terre du 94. Et les filtres qu'on peut y trouver. Vous êtes aussi un peu sur les réseaux, hein, c'est vrai, pour promouvoir son travail aujourd'hui, il faut forcément y être. Est-ce que ça vous brancherait d'exporter la boîte à curiosités sur d'autres plateformes, d'autres formats que le format vidéo YouTube, ou c'est trop chronophage, ça vous tente pas trop? Pendant le confinement, j'avais lancé un TikTok, parce qu'en fait, c'était aussi un peu challengeant et un peu excitant de se dire, justement, est-ce que tu peux y arriver en 30 secondes? Et c'était très cool à faire. Maintenant, c'est vrai que là, j'ai perdu la régularité totale. Je me focalise vraiment sur YouTube. Mais non, là, ma priorité, c'était d'écrire des livres et d'être dans du format peut-être justement autre que vidéo, parce que j'en fais beaucoup. Mais j'aimerais bien relancer quand même, je pense, des plateformes comme TikTok où il y a des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus jeunes. Et justement, je pense que ça peut être intéressant d'utiliser des plateformes comme ça pour éveiller la curiosité des encore plus jeunes et avec des codes nouveaux. Ouais. Ouais, c'est complètement ça. Donc, comme vous le dites, vous avez écrit des livres. Oui. Fin 2021, vous avez sorti deux ouvrages, Animaux bizarroïdes chez Larousse et La boîte à curiosités chez The Book, que vous avez également illustré pour ce dernier. Mm-hmm. En quoi est-ce que travailler sur des livres, ça a été différent du format vidéo, puisqu'on le disait, dans le format vidéo, il y a quand même de la recherche biblio, il y a quand même du script. Et qu'est-ce que ça vous a permis d'expérimenter de nouveau, que vous n'avez pas pu faire en vidéo, par exemple ? C'est comme écrire une vidéo, mais en beaucoup plus long. Mais oui, du coup, le The Book, il est très visuel, du coup, parce que j'ai fait tous les dessins, donc il y avait quand même cette réflexion, dans l'autre aussi, ceci dit, mais par la photo, mais au final, c'était pas si différent. Maintenant, c'était plus à réfléchir, à comment faire une grande structure, comment... Mais une fois de plus, dans le The Book, y a de la fiction, il y a du dessin, il y a de la vulgarisation. Et au final, je voulais raconter une grande histoire fictionnée avec les mêmes personnages qu'on retrouve sur la chaîne. Et avoir un propos avec une morale. Et au final, c'était raconter une très, très grande histoire. Et au final, c'est pas si beaucoup différent. Mais après, c'est vrai que c'est un autre travail parce que vous avez le travail éditorial avec l'éditeur, le suivi, etc. Alors que sur la vidéo, au final, en grande partie, il y a aussi des fois des financeurs, comme vous avez eu, mais vous êtes plus seule maîtresse à bord sur la direction que vous voulez suivre. Ouais, ce qui était chouette aussi, c'est effectivement ce travail un peu collaboratif. Avec The Book, on a vraiment travaillé tous ensemble. On avait un document partagé, j'avais des retours tout le temps. Mais moi, je verrais bien ça là, et tu veux pas rajouter un petit dessin là, et ça pourrait être cool de la couverture comme ça. Et c'est vrai que parfois, dans la vidéo, on est très seul. Moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui m'accompagnent parfois sur le tournage, mais en tout cas, en écriture, souvent, je suis seule. Après, à la relecture... Ça reste un moment de partage et de collaboration. Mais souvent, on est tout seul face à sa page blanche. Et là, du coup, c'est vrai que c'était cool d'être accompagné, de pouvoir avoir des retours en direct, de partager, d'avoir des idées tous ensemble. Ça, c'était vraiment, pour le coup, différent et ça fait du bien. On ne l'a pas évoqué, mais vous avez aussi fait d'autres expériences de vulgarisation. Vous êtes déjà intervenue, par exemple, lors des concours MT180 en tant qu'animatrice. Vous avez aussi collaboré pour des podcasts, comme le podcast Bête de Science pour le site Futura. Est-ce qu'il y a d'autres formats de vulgarisation que vous aimeriez tester ou auxquels vous aimeriez revenir ou couplé avec de la vidéo? Enfin, il y a d'autres choses que vous aimeriez tenter? Je crois que la vidéo, ça me plaît bien. Il y a un peu de tout, c'est vrai que ça combine plein de choses. Oui, c'est ça, en fait. Je crois que vraiment, là, je me régale dedans parce que je peux tout... à la fois ma passion, justement, du visuel, de la maquette, de l'objet. Et ça peut être très chouette. Après, pourquoi pas peut-être faire ce qui était prévu à la base, un peu de muséologie, je sais pas, participer à une exposition, réfléchir à comment la concevoir dans la scénographie ou fabriquer des objets... Et revenir à cette chose de base qui était comment on peut sensibiliser le public ou les jeunes ou les familles ou n'importe qui, petits et grands d'ailleurs, à grâce à l'objet, par l'objet, comment on peut toucher pour comprendre des choses, etc. Et peut-être que ça me plairait bien. Je me demandais au niveau de vos projets, quelles étaient vos envies? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets vidéo que vous voulez lancer, d'autres formats? Est-ce qu'il y a des animaux que vous n'avez pas encore passés au crible que vous voudriez décrypter sur votre chaîne? Je vais essayer d'avoir une régularité et de me contenir dans certains formats parce que parfois j'ai envie de tout faire. Et du coup, je fais des vidéos. Une vidéo, à chaque fois, c'est un concept différent. Et je me suis dit, mais mon audience ne va rien comprendre. Mais à la fois, ils savent un peu qui je suis, donc ça va, ça passe. Mais non, je pense que cette année, vraiment, j'ai envie de faire beaucoup de vidéos, de reprendre ça, de m'éclater dans le fait de créer des objets. Là, j'avais fait une dissection de blobfish à la pâte à modeler, j'étais trop contente. Et vraiment de la vidéo cette année. Le podcast, j'en ai pas mal fait l'année dernière et c'était très chouette. Mais une fois de plus, là, j'ai envie quand même de collaborer aussi avec des gens. Donc, je vais chercher des projets quand même où je pourrais être entourée et voilà, faire des choses avec plein de gens. Et vous disiez qu'au début, vous étiez sur des sujets très courts, sur voilà, un point de détail de la biologie de l'animal, que là, avec le CNC, vous avez creusé des sujets plus profonds. Est-ce qu'il y a des sujets que vous n'avez pas encore abordés, toujours sur le thème du monde animal, de la curiosité, que vous aimeriez tenter? Des choses peut-être un peu plus ambitieuses? Oui. Après, c'est des choses très ambitieuses qui vont prendre du temps, mais là, ce qui me ferait très plaisir, c'est d'aller sur le terrain, en fait. C'est d'aller sur le terrain, d'aller voir ce vivant un peu bizarre, d'aller à sa rencontre, de l'expérimenter, parce que je pense qu'expérimenter le vivant, ça reste intéressant. Et tout le monde n'a pas les moyens de partir à l'autre bout du monde, donc le filmer et le montrer, ça peut déjà être chouette. Mais en tout cas, ça me plairait beaucoup. C'est un peu sur les rails, mais ça va être long à mettre en place, je pense. Mais ça serait un peu mon rêve suprême de vidéo. Le but ultime. Ouais. Tout en gardant, j'ai des idées pour garder ce côté manuel sur place, le dos du monde, et garder cette fibre-là aussi qui pourra complètement fonctionner, même en étant je sais pas où. Mais oui, j'aimerais vraiment partir à la rencontre de ce vivant. Eh bien, on a hâte de suivre vos aventures. On croise les doigts pour que ce genre de gros projet prenne de l'ampleur. Merci beaucoup, Marie, d'être venue nous présenter votre travail. Bien entendu, je vous invite à aller voir le travail de Marie sur son blog et sur la chaîne YouTube La Boîte à Curiosité. Je mettrai bien entendu tous les liens avec le podcast. On finit, comme d'habitude, par quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous recommander trois ouvrages. Pour écrire cette chronique sur la jeunette, j'ai dû écumer Internet et la bibliothèque la plus obscure. Car, vous vous en doutez, sur un animal aussi peu étudié que la jeunette, les ouvrages de référence ne sont pas nombreux. Le seul livre à ma connaissance entièrement dédié à l'animal a été écrit par François Livet et Jean-Jacques Roder, le chercheur dont je vous ai parlé, de Strasbourg, qui les a étudiés en captivité, qui est sorti en 1987 dans le cadre des Encyclopédies de Carnivores de France, édité par la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Mais il n'est malheureusement plus édité et n'est trouvable que d'occasion. Donc, pour mettre à l'honneur ces voisins silencieux, j'aimerais donc vous conseiller un livre de photos, tout en noir et blanc, qui, justement, arbore une belle jeunette en couverture. Il s'agit du livre « Passeur de lune » d'Éric Médard, paru aux éditions Salamandre. Ce beau livre carré de 160 pages n'est pas un livre photo comme les autres. Tous les clichés sont issus de pièges photos, prises sous lumière infrarouge, et sont donc toutes en nuances de gris. Les légendes des clichés avec les espèces des animaux n'apparaissent qu'à la toute fin du livre pour ne pas perturber l'immersion dans le quotidien de ces créatures discrètes. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est l'impression d'intimité, de discrétion qui se dégage de ces moments. On croise des animaux qui vivent leur vie sans perturbation, sans nous voir. Le livre donne cette impression de plonger dans le quotidien secret de notre faune, sans interférer avec elle. Et outre la beauté esthétique des clichés, on y voit aussi des choses incroyables. Un castor qui sort sur la berge, une fouine en maraude, une chauve-souris venue s'abreuver, ou encore une renarde qui amène une portée de chaton à raies en guise de repas à ses petits. Une plongée incroyable dans la vie de nos forêts qui m'a beaucoup touchée. Je vous le recommande vivement. Je ne peux ensuite que vous encourager très chaleureusement à suivre le travail de Marie, alias la boîte à curiosités, sur YouTube et les autres réseaux sociaux. Vous pouvez la retrouver sur sa chaîne, mais aussi dans la nouvelle saison du Vortex, la colloque de vulgarisateurs produite par Arte. En plus de la vulgarisation en vidéo, Marie a sorti deux ouvrages très différents qui méritent le détour. Le premier s'intitule « Animaux bizarroïdes, la vie secrète des animaux les plus étranges » et il est paru aux éditions Larousse. Ce très beau livre de 224 pages présente 100 animaux bizarres, plus un outsider, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Sur chaque page, un texte court de Marie vous présente la bestiole et une carte d'identité vous résume où elle vit et ses principales caractéristiques. Les images sur fond noir ressortent parfaitement et permettent une immersion incroyable dans les formes et les couleurs surprenantes de ces créatures uniques en leur genre. Partez à la découverte du ver de velours, de la chimère, de la vélèle, de la chenille bijou, du requin lézard ou du décement des Pyrénées. Promis, vous ne serez pas déçus. Son deuxième livre, dans un style très différent, s'intitule « La boîte à curiosités, une aventure drôle et insolite au cœur du vivant » et il est paru aux éditions De Book. Marie a concocté quasiment de A à Z un beau livre de 167 pages, très richement illustré de nombreuses photos et dessins originaux, découpé en chapitres qui abordent notre relation aux autres êtres vivants. Sélection naturelle, domestication, plant blindness, vous savez quand dans un paysage vous ne voyez les animaux mais pas les plantes, les espèces menacées, les femmes de science oubliées, il y a quantité d'informations surprenantes à picorer pour apprendre en s'amusant. En plus de découvrir plein de choses, on suit les aventures de Marie, par intermédiaire de son avatar cartoonesque, qui accompagne le lecteur tout au long du livre, en compagnie de diverses mascottes trop choupies, comme la vraie boîte à curiosités. Cette partie plus axée fiction apporte une légèreté pétillante, très appréciable, dans un ouvrage pédagogique. C'est un super livre pour s'initier à la biologie, à l'écologie, à l'histoire des sciences, tout en donnant envie d'en savoir plus et de cultiver sa curiosité avec enthousiasme. Voici le cadeau parfait pour toutes celles et ceux qui se posent sans cesse des questions. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, ainsi qu'à Maxime Pinault pour la relecture et la biblio. Un très grand merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.